Your Seigneur. Your Seigneur. Papa, voici Seigneur disposé, après avoir offert à toi le sacrifice d'action de grâce, à recevoir encore une fois ta parole. Seigneur, bénis-nous ce matin. Nous sommes en attente de tes instructions, nous sommes en attente de ta bénédiction. Fais-nous du bien et que nous puissions aller, Seigneur Jésus, encore plus de l'avant, la gloire de ton nom, parce qu'encore tu nous nourris de ton pain quotidien. Que la gloire te soit rendue, soit avec ton serviteur qui doit parler de ta part, que ton esprit le remplisse et que nous puissions tous être édifiés, Seigneur Jésus, pour ton service. Béni soit ton nom. Amen. Merci, on peut s'asseoir. J'invite le pasteur Jean-Pierre Pierre à nous apporter la parole de Dieu. La grâce à tout court, c'est l'un des mots les plus utilisés. l'entièreté de la Bible. Dans le Nouveau Testament seulement, il revient plus de 170 fois le mot « grâce ». Bien sûr, à des sens divers. Premièrement, ça signifie « attrait », « charme ». La grâce est répandue sur les lèvres, psaume 45, verset 3. C'est une gazelle pleine de grâce, Proverbe, chapitre 5, verset 19. La grâce est trompeuse, mais la beauté est belle, parce que justement tout périt, tout passe. La grâce, c'est une bienveillance, c'est une faveur aussi. L'expression hébraïque très fréquente, trouve grâce auprès de quelqu'un. Genèse 18, 3, 33, 10, 47, 29, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, chapitre 7, verset 10 aussi. Les églises de Macédoine ont demandé instamment la grâce de pouvoir participer à la collecte. Comme c'est extraordinaire. Hier soir encore, au moment d'ajouter une petite touche, et puis je reconsidérais ce texte. Des frères dans une église en Macédoine qui ont appris que les frères et sœurs étaient terriblement éprouvés à Jérusalem. Et puis, ils ont demandé grâce. Ils ont demandé de leur faire grâce de participer à la collecte. Vous ne pouvez pas ça merveilleux? Extraordinaire. Quand on est chrétien. Non pas n'importe qui. Hein? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, vous savez, je l'ai expérimenté, je dois dire, une nouvelle fois, l'automne dernier, lorsque mon fils bien-aimé, Joseph Pascal Pierre, se rendait en France, un autre continent, par-delà des océans, pour la première fois. Pour un temps très long, pour moi c'était très long. Lui et vous aussi vous dites, mais c'était juste 4 mois. Mais pour un père, si vous ne me croyez pas, demandez à mon frère David et aux autres pères de la famille ici à l'église. Mais rendu là-bas, quand j'ai appris comment il a été accueilli, par des gens qui ne nous connaissent pas et que nous ne connaissons pas. Vous voyez? Et partout où il passait, il était accueilli dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oh Dieu, nous avons tous, ce matin, nous avons appris à l'école du dimanche avec Sœur Delamy. Nous avons la richesse. Et par-dessus le marché, tout le reste. Alors les frères ont demandé de leur accorder la faveur. C'est une faveur de pouvoir contribuer aux besoins d'autres frères et sœurs qui se trouvent dans le besoin. Une faveur. Ces frères et sœurs-là ont tellement compris la famille spirituelle qu'ils ont demandé cette faveur. Et nous continuons, que votre parent soit toujours accompagné de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 6. Troisièmement, la grâce est un bienfait, une bénédiction. Toutes les grâces dont tu as usé envers ton serviteur. Genèse 32, 11. Nous avons tous reçu grâce sur grâce aussi. Les grâces saintes promises à David. À moi, cette grâce a été accordée, Ephésiens 3. Des remerciements, ou bien remerciements, expressions de gratitude, d'où les expressions actions de grâce. Et là, nous avons toute une panoplie de textes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le mot Eucharistie, d'ailleurs, appliqué à la scène, fait précisément allusion aux actions de grâce par lesquelles commença Jésus. Luc 22, 17, 19, 1 Corinthiens 11, 24. L'habitude de rendre grâce au début d'un repas repose sur des injonctions et des exemples précis de l'Écriture aussi. Dans les évangiles, comme en Actes, et dans les épîtres aussi. Alors, pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi vous devez rendre grâce à Dieu? Pour plusieurs choses. Bien sûr, oui. Bien sûr. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Tout, sans rien laisser de côté. Ce matin, avant le début de la classe, il y avait un frère, nous n'étions que deux, et puis le frère m'a dit, il faut rendre grâce à Dieu même pour le physique qui nous donne. Ah, mais il ne savait pas. Peut-être qu'ils ne savent même pas si c'est moi qui devais prêcher ce matin. C'est le frère mal voisin de l'homme, sans embâche. Il faut rendre grâce à Dieu même pour le physique qu'il nous donne, qu'il vous donne. Rendre grâce à Dieu pour ça. Le physique que vous avez ne vient pas de vous. C'est une grâce de Dieu. Dieu a vu je bon, dans sa sagesse extraordinaire, de vous le donner ce corps. Et c'est pour ça l'apôtre Paul dit, ce corps ne vous appartient pas. C'est un corps qui appartient à Dieu. Vous ne croyez pas, rendez-vous en Romains chapitre 6, verset 20, vous verrez. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. On rend grâce à Dieu, mais quel Dieu? C'est le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il faut lui rendre grâce? Continuellement, tout le temps, sans arrêt, lorsque ça va très bien, comme aussi lorsque ça va très mal. C'est pas lorsque ça va mal seulement, mais lorsque ça va très mal. Quand est-ce que ça peut aller très mal? Amen. Ce serait dit amen avant même qu'on dise quand est-ce que ça peut aller. Je pense que ça va très mal lorsque vous et moi, nous nous retrouvons tout à fait au fond du baril, dans la crasse, dans la boue, dans la saleté, dans l'intouchable. Vous savez, en mer, il existe cinq classes d'hommes et de femmes. Je ne vais pas vous parler de toutes ces classes-là, c'est pas là l'objet du message. Mais la classe qui m'intéresse quand le mot intouchable est sorti de ma bouche, c'est justement la place des intouchables. La société indienne l'appelle classe des intouchables. On ne les touche pas. Ce sont les rejets de la société. Et sinon, ça n'existe pas. Il y a des lois même contre cela. Qui oserait parler en faveur d'eux, d'une telle place? Personne. Il y a des lois punissantes, des lois qui sont susceptibles de jeter les fauteurs de troubles très vite en prison. Alors on ne va pas en parler. Même si au fond, ça peut exister. Ça va très mal lorsque nous nous retrouvons tout à fait au fond, dans la place et parmi les intouchables. L'apôtre Paul dit, il faut rendre grâce jusque-là à Dieu. Quel Dieu? Dieu le Père de Jésus. Où est-ce qu'on doit lui rendre grâce? Seulement à l'église? Seulement le dimanche? On se présente ici. Je dis on, c'est un on exclusif parce que je ne suis pas dedans. Il y en a d'autres qui n'y sont pas non plus. Mais la très grande majorité. Seulement le dimanche. La peuple peut dire non, c'est partout. Partout. À la maison. À l'église, bien sûr. Au travail. Ou encore dans la rue. Au jeu. À l'école. Vous savez, au début de l'année scolaire, le directeur général, alors j'ai un poste de surveillance une fois dans le cycle de leur jour de classe aux heures du dîner, et puis je suis là à mon poste, il passe tout le temps pour vérifier tout, et puis il dit bonjour monsieur Pierre, est-ce que vous allez bien? Je dis oui, très bien par la grâce de Dieu. Il a ri, j'ai vu son alouette. Je prie. Par la grâce de Dieu, je dis oui, monsieur d'amour, c'est son nom. Oui, monsieur d'amour, par la grâce de Dieu, c'est toujours par la grâce de Dieu. Et depuis lors, chaque fois qu'il me croise ou qu'il me voit, monsieur Pierre, est-ce que ça va bien? Je dis oui, monsieur d'amour. S'il ne dit pas par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Je dis oui, monsieur d'amour, par la grâce de Dieu. Et c'était le cas vendredi dernier encore. J'étais à mon poste de surveillance. Il arrivait à distance. Et puis il m'a salué. Bonjour monsieur Pierre. Bonjour monsieur Damon. Ça va bien? Je dis oui, ça va bien aujourd'hui. Ensemble, nous avons dit en cœur. C'est par la grâce de Dieu. Je ne peux pas m'en passer, moi. Et je sais que. Pour vous aussi, les chrétiens et les chrétiennes que vous êtes, vous ne pouvez pas non plus vous en passer. C'est par sa grâce. Deuxièmement, la raison pour laquelle le chrétien doit rendre grâce à Dieu, nous trouvons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Paul dit, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, ce n'est pas une volonté de Dieu pour Dieu. Ce n'est pas une volonté de Dieu pour les anges, pour les archanges, pour les chérubins. Ce n'est pas une volonté de Dieu pour Jésus-Christ. C'est une volonté de Dieu à vos égards. C'est-à-dire, en votre faveur, pour votre bénéfice, pour votre bénédiction. Cette volonté. C'est une volonté qui est manifestée en Jésus-Christ aussi. À cause de Christ, à cause de son sacrifice, celui de la croix. 1 Corinthiens 7, 21, 23. Rendons-nous à nous. Même si tu as été appelé parce que tu étais esclave, il ne faut pas que tu t'en inquiètes. Ne t'inquiète pas pour cela. Parce que devant Dieu, il n'existe pas d'esclave, ni de libre, ni de noble, ni de bourgeois, ni de ci, ni de ça. Devant Dieu, il existe des serviteurs et des servantes du Dieu vivant. C'est tout. Je ne crois pas les autres. C'est la fabulation des hommes, vous avez des femmes, bien sûr, mais c'est tout ce qui est fait. Les places, les titres, tout ça. Alors, l'apôtre Paul dit, ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. C'est ta liberté, en d'autres mots, qui doit t'inquiéter. Mais ce n'est pas le fait que tu aurais été appelé étant esclave. Inquiète-toi de préférence à devenir libre. Or, en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté la vraie. La seule d'ailleurs. En Christ, je répète, c'est la liberté la vraie et la seule. Il n'en existe pas d'autre. Toutes les autres libertés dont on nous parle, ce sont des libertés fallacieuses. Ce sont des libertés éphémères, illusoires. Enfin, c'est de l'illusion même. L'apôtre Paul continue au verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est aussi un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. As-tu été appelé en tant que noble, en tant que bourgeois, en tant que ci, en tant que ça? Tu es devenu esclave du Christ. As-tu été appelé en tant qu'esclave, en tant qu'intouchable, tu es devenu libre en Christ. N'est-ce pas merveilleux? Extraordinaire. Et c'est seulement en Christ qu'on peut la croire. L'apôtre Paul continue au verset 23 pour dire, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Devenez plutôt esclaves de Christ. Verset 24. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Qui peut donc en s'objecter disant pourquoi cette volonté de Dieu? Personne. Personne n'a le droit de demander pourquoi cette volonté de Dieu, puisque c'est la volonté de Dieu à notre cas, et cette volonté est manifestée en Christ. Vous savez, en Job, chapitre 39, Job, chapitre 39, nous allons lire quelques versets. Job 39, j'aurais dû lire les chapitres 39, 40 jusqu'au chapitre 42. Mais je vais lire seulement jusqu'au verset 16. C'est Dieu qui parle à eux. Chasses-tu la proie pour l'agneau et apaises-tu la faim d'un lionceau? Quand ils sont couchés dans leur carrière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa nourriture, sa pâture? Quand ses petits crient vers Dieu, font leurs petits, observes-tu les biches quand elles mettent bas, c'est-à-dire quand elles doivent accoucher de leurs petits? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus au plein air. Ça peut ne pas vous dire grand-chose dans ce texte. Mais vous savez, le corbeau. Le corbeau, c'est l'animal le plus cruel, la mère. Mais le père aussi, bien entendu. Parce que le corbeau, du moment où les œufs sont éclos, il part, il laisse les œufs. La mère part, elle laisse les œufs. Mais qui les nourrit? Dieu les nourrit. Dieu fait en sorte que l'espèce ne disparaît pas, l'espèce subsiste. C'est Dieu qui les nourrit. C'est pour ça ici que le Seigneur parle à Job, qui se croyait oublié, parce que en fait l'histoire, c'est une histoire qui est tellement belle, mais longue aussi. C'est qu'il y a deux mots en hébreu qui se ressemblent beaucoup. C'est Eni et Job. Alors, il suffit de déplacer une lettre et puis on passe de Job à Eni. Alors, à un moment donné, dans sa plaidoirie, Job demande à Dieu, est-ce que je serais devenu ton ennemi ou que tu me traites de cette façon? Voyez-vous? Alors, c'est en vertu de cela que Dieu prend soin à expliquer à Job, à lui dire tout ça. La chèvre, on a parlé de la chèvre, tout ça, la biche. La biche, c'est que quand elle doit enfanter, il faut qu'elle monte sur une montagne très haute. Parce que la douleur est tellement atroce, tellement dure. Il faut qu'elle monte au pic de la montagne, et puis c'est là que Dieu va envoyer un serpent la piquer. À la suite de cette morsure, l'enfant va sortir. N'est-ce pas extraordinaire dans le Dieu? Dieu fait tout ça. Jusqu'ici, depuis que le monde est monde, l'espèce ne disparaît pas. Mais chaque fois qu'une biche doit enfanter, il faut qu'elle monte au pic d'une montagne. Et c'est là que Dieu a envoyé le serpent pour que l'enfant sorte. Et à la sortie de cet enfant, quelque chose de plus extraordinaire encore, Dieu consacre qu'un aigle passe pour l'attraper, parce que du haut de la montagne, le tout petit va tomber et puis il va mourir. L'aigle l'attrape à sa sortie pour aller le déposer à terre. Voilà. À l'agneau merveilleux, mon Dieu, c'est lui qui vient de parce que Dieu nous a rachetés en Christ. Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Oui, nous souffrons en notre corps conçu. Mais nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas esclaves quand même. Parce que c'est Dieu qui nous a délivrés. Quand il délivre, il délivre en nouveau pour nous, mon frère. Vous savez, il y a un théologien anglais du nom de Matthew Henry. Certainement, là, le connaît, a dû lire de ses ouvrages. Il a été cambriolé. Bon, comme on dit chez nous, il y a cassé quand même. Donc, dans toute ça, le terrain. Écoutez ce que dit Matthew Henry. Matthew Henry dit. Après, je rends grâce à Dieu parce qu'on a cambriolé ma maison. Seriez-vous prêt à dire ça? Je rends grâce à Dieu parce qu'on a cambriolé ma maison. On a pris mes biens et non ma vie. Deuxièmement, je rends grâce à Dieu parce qu'on a pris tout ce que je possédais et non mon salut et mon espérance. Troisièmement, je rends grâce à Dieu parce que j'étais le cambriolé et non le cambrioleur. J'étais le volé et non le voleur. Êtes-vous prêt à dire, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je suis le volé et non le voleur. Je suis l'assassiné et non l'assassin. Je suis le fraudé et non le fraudeur. En bon québécois, je suis le croissé et non le prochain. Les jeunes, hein? Et si je dois transporter ça dans les écoles, on fait quoi encore dans les écoles? Taxe. Je suis le taxé et non le taxeur. Seriez-vous prêt à dire ça? À rendre grâce à Dieu. À vous jeter sur vos genoux pour rendre grâce à Dieu. Du fait que, pour dire merci papa, du fait que on m'a taxé, mais ce n'est pas moi le taxeur. Comprenez? Ma bien-aimée. Notre Dieu étant le Tout-Puissant, nous devons enfin lui rendre continuellement grâce, rien que pour le souffle de vie. Le souffle de vie qu'il nous donne encore. Je dois dire qu'il nous donne justice. Parce que nous ne savons pas ce qu'adviendra dans les prochaines vies. Nous devons lui rendre des actions de grâce. Vous savez, il y a quelqu'un qui était dans la débouchée. 100 dollars. 100 dollars pour une minute d'oxygène. Oui. Moi, quand j'entends ça, j'ai pris ça, j'ai fait un petit calcul. J'ai essayé de faire un petit calcul. À partir de moi-même, bien entendu. Bon, une minute, ça coûte 100 dollars US, comme on dit. C'est pas 100 dollars AM, et pas M, CANA. US. Écoutez, dans une heure, tout le monde sait qu'il y a 60 minutes. Les jeunes à l'école là, secondaire, 60 minutes, vous avez déjà en calcul. Combien ça donne? 6 000 dollars US. Pour une heure, 6 000 dollars. Je pousse un petit peu plus loin. Dans un jour, nous avons 24 heures. 24 fois 6 000, ça donne, si mes calculs sont bons, je ne suis pas très bon en calcul, mais vous les jeunes, vous êtes meilleurs que moi, vous savez, hein? N'est-ce pas? 144 000 dollars US par jour. Dans une année, vous avez plus, beaucoup plus qu'une année, hein? Les petits d'un an et moins sont en bas. Dans une année, alors c'est 144 000 multiplié par 365 jours, ça donne 52 560 000 dollars. Moi, alors vous ferez les calculs pour vous-même. Moi, je prends la soixantaine. Mais, pour avoir un chiffon, je prends 60. 52 560 000 multiplié par 60, ça me donne ce que je coûte à Dieu jusqu'ici, 3 milliards 153 600 000 dollars US. J'ai pas fini. Je coûte beaucoup plus cher encore à Dieu. Il y a les années bisextiles. Oui, il ne faut pas oublier les années bisextiles. Il y en a 15 pour 60 ans. 15 années bisextiles multipliées par 144 000, ça donne 2 160 000 dollars. Plus 3 153 153 millions 600 000, ça donne 3 155 760 000 dollars américains que je coûte jusqu'ici à Dieu et plus encore. Et plus encore. Vous savez chacune, depuis le plus petit ici jusqu'au plus grand, combien vous avez. Essayez de faire le petit exercice pour vous-même. Voyez combien vous coûtez jusqu'ici. À Dieu. Dites-moi si vous avez une seule raison, une seule, pour ne pas lui rendre gloire. Levez votre main. Dites-moi que vous avez une raison pour ne pas lui rendre gloire. Pour ne pas lui rendre grâce. Aucune main. Alléluia. Alors tous, toutes, nous devons lui rendre continuellement des actions de grâce. Rien que pour le souffle de vie. Prions le Seigneur. Rendons-lui vos gloires, grâce. Vous pouvez élever votre voix, élever votre voix ensemble avec moi parce que il est trop bon pour mon ami. Merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie, combien cela nous coûte, nous l'ignorons totalement. Merci. Permets que le temps que nous existons, Seigneur. Nous te rendons l'honneur à la de grâce, la gloire que tu mérites en France.